des grands feuilletons de France Culture. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Monsieur Darzac, puis-je vous demander quel est votre avis sur cette affaire? Hélas, pour moi, le crime ne fait aucun doute. Ah, le crime, expliquez-vous. Les traces de doigts, hein, les écorchures profondes sur le cou et la poitrine de Mathilde. C'est un affreux attentat. Un crime crapuleux. Oh, j'en ai bien peur, maître. Les experts médicaux affirment que les traces laissées sur Mathilde ont été faites par une seule et même main. Cette main dont l'empreinte ensanglantée reste là, sur le mur. Mmh. Une main énorme, monsieur Rouletabille, vous voyez, et qui ne tiendrait certainement pas dans mon gant. Donc, pour vous, cette empreinte sanglante ne peut être en aucune façon l'empreinte de la main de Mathilde. Pourtant, en s'effondrant, elle aurait pu essayer de se retenir au mur et laisser traîner sa main. Mais je reconnais la valeur de l'argument, maître, mais... quand nous avons relevé Mathilde, il n'y avait pas une goutte de sang sur ses mains. Hmm. En ce cas, c'est elle qui a tiré avec le revolver du père Jacques? C'est plus que probable, oui. Et vous n'avez aucun soupçon? Non. Il faut vous dire, mon bon maître, que M. de Marquet nous a fait des cachotteries. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, l'instruction de l'affaire est bien plus avancée qu'il nous l'a fait croire. Eh oui. Nous vous écoutons. Nous savons de façon certaine au moins deux choses de plus depuis que nous sommes ici. D'abord, nous avons la certitude que Mademoiselle Stangerson s'est bien servie du revolver du père Jacques pour se défendre. Oui, mais ça, vous l'aviez déjà déduit, mon cher Rouletabille. C'est vrai, mais ce que nous n'avions pas trouvé, car le secret a été bien gardé, c'est la nature de l'arme qui a servi à frapper Mademoiselle Stangerson. Un marteau. Un os de mouton. Quoi? Un os de mouton. L'os de mouton est l'arme habituelle de la pègre. Monsieur Rouletabille a raison. Un os de mouton énorme qu'on a retrouvé au pied du lit, encore rouge de sang. Le sang de Mathilde. Oh, c'est abominable, quelle horreur! Et puis pourquoi tout ce mystère autour d'un os de mouton? Après tout, cette arme-là ou une autre... Allez donc savoir ce qui peut se passer dans une cervelle de juge d'instruction. Je crois que ceux qui opèrent avec ce genre d'armes sont quand même de moins en moins nombreux à notre époque, heureusement. Mais peut-être le subtil monsieur de Marquet pense-t-il, en s'entourant de mystère et de silence, pouvoir faire une enquête discrète dans le milieu. Mmh. Et qu'a-t-on fait de l'arme? Eh bien, monsieur de Marquet a fait porter l'os au laboratoire municipal de Paris. D'après une de ses réflexions, il croit qu'il s'agit d'un vieil os qui a déjà dû servir à quelques crimes. On devrait avoir beaucoup plus de moutons dans la police. Oh, Joseph, un os de mouton. Excusez-moi, mais c'est une arme terrible, mon cher, et qui ne doit rien qu'à la nature. Bien en main, enfin je veux dire dans la main d'un assassin exercé, c'est une arme terrible, plus sûre et plus efficace qu'un marteau. Il a raison. L'os a violemment frappé le front de Mathilde. La blessure a la forme exacte de l'articulation de l'os. Et c'est un miracle que Mademoiselle Stangerson... soit encore en vie, sûrement. Ouais. Pour moi, elle a dû tirer et blesser l'assassin à la main pendant qu'il s'apprêtait à la frapper. La douleur lui a fait lâcher l'os et il s'est enfui. Non, mais donc arriver sur Mademoiselle Stangerson avec une force suffisante pour l'assommer, mais Dieu merci, insuffisante pour la tuer. Oui, oui, mais je croyais qu'il y avait eu deux coups de revolver. Mais deux coups, en effet. Tout donne à penser que c'est avec la seconde balle que Mathilde a blessé son agresseur. Si elle avait pu l'atteindre avec la première, elle aurait sans doute échappé à l'os de mouton. Et elle a sans doute saisi le revolver avec un temps de retard. Le premier coup a dévié dans la lutte, et la balle s'est logée dans le plafond, vous voyez, ici. Ah oui. Pauvre femme. Et alors elle a tiré le second coup. Le misérable avait déjà tenté de l'étrangler, elle devait être à bout de force. Eh ben, voilà autre chose. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Eh ben, père Jacques... Ah, c'est donc vous, monsieur Darzac? Ah ben, j'aime mieux ça. J'ai vu la porte ouverte, n'est-ce pas? Alors, dame, je me demandais forcément... Ce sont des amis, père Jacques. Et je sais aussi que la consigne est formelle. Ben, c'est que si on se met à rentrer et sortir de cet endroit comme d'un moulin... Le de Marquet, puis toute la police, ils auraient vite fait de nous taper sur les doigts. Mais vous avez tout à fait raison, père Jacques. Mais pour vous, c'est pas pareil, monsieur Darzac. Faut pas confondre. Il y a consigne et consigne. Remarquez, je me demande bien pourquoi je dois empêcher tout le monde d'entrer. Ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir, ces messieurs de la justice. En long, en large, en travers. Ils ont fait des dessins, des croix, ils ont pris des mesures. Ouh, pour ça, ils sont pas feignants. Mais alors, dire comment l'assassin est reparti, ça, ils savent pas. En dehors de ça, vous pouvez leur poser n'importe quelle question. Et moi, est-ce que je peux vous en poser une? Vous êtes aussi de la police. Vous êtes bien jeune. Monsieur Rouletabille est venu nous aider, père Jacques. C'est un grand criminologue. Vous pouvez lui répondre sans craindre quoi que ce soit. Ah ben alors, si c'est un grand, comme vous dites, allez-y, jeune homme, si je peux répondre. Écoutez-moi, le soir de la tentative de meurtre... Votre maîtresse portait-elle ses cheveux en bandeau? Vous voyez ce que je veux dire? Les cheveux en bandeau sur le front? Alors là, je suis formel, mon jeune monsieur. Mademoiselle avait ses beaux cheveux relevés, comme tous les jours. Ah, vous êtes sûr? Ah ben, d'autant plus qu'elle les a jamais portés autrement. Toujours relevés sur le front. Oh, monsieur, un front beau comme celui d'un enfant, rond, bien lisse. Une vraie merveille. Et elle aurait caché ça derrière des bandeaux, allons donc. Ça aurait pas été censé. Bien. Je vous remercie. N'en parlons plus. Ah, dites-moi, cette porte-là, elle ne reste pas ouverte toute seule? Non, elle se referme avec un système automatique. Oui, il faut une clé pour l'ouvrir. À l'autre soir, bien sûr, il a fallu la défoncer. Bon, alors jetez un coup d'œil au vestibule. Alors, voyons un peu. Voilà la fenêtre par laquelle l'assassin s'est enfui. Ouais, enfin, ça, qui disent, hein, qui disent. Allez-y voir, vous. Mais, père Jacques, c'est pourtant ce qui ressort de la requête. Je suis désolé de vous couper la parole. Mais si ce foutu bandit s'était sauvé par ici, le professeur Stangerson et moi, on l'aurait bien vu. À quoi, on est quand même pas aveugles. Et les Berniers, c'est tout pareil. Ils sont en prison maintenant. Je vous demande un peu. À ce moment-là, pourquoi donc que j'y suis pas, moi? À cause du revolver. Dites-moi, les volets, là, ils étaient fermés à l'heure du crime? Ils étaient fermés au loquet de fer, en dedans. Et moi, je suis bien certain que l'assassin n'est pas passé au travers. Enfin, quoi, c'est pas sérieux. Ah, mais pourtant, il y a des taches de sang. Hein? Ah, ça oui, pour des taches de sang, il y a des taches de sang. Tiens, tenez, penchez-vous. Regardez sur la pierre, dehors. Ah donc, c'est une preuve. Une preuve de quoi? Ben, expliquez-vous. Il faudrait d'abord savoir et être certain que c'est bien du sang d'homme. Hein? Et si c'est pas du sang d'homme, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Ah ben, est-ce que c'est, moi? Oh, ça m'étonnerait bien que vous trouviez quelque chose en vous mettant un quatre-pattes par terre. Vous avez une idée, monsieur Rouletabille? Non, aucune. Je ne fais que regarder. Je regarde et après je pense. C'est l'avantage de ma modeste méthode sur celle de ce cher juge d'instruction, l'ineffable de Marquet. Enfin, je peux quand même vous dire que vous trouverez à rien. Passez d'où ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Et croyez-moi, ils ont tout examiné à plusieurs. Laissez faire, Jacques. Laissez faire, monsieur Rouletabille. Enfin, voyons, monsieur Darzac. Qu'est-ce que vous voulez aller trouver sur des carreaux noirs et blancs? Pourtant qu'on m'a interdit de les laver. Regardez-moi ça, si c'est sale, tiens, c'est décourageant. Père Jacques, on peut passer 10 fois devant un indice qui vous crève les yeux et pourtant on ne le voit pas. Enfin, en tout cas, jeune homme, dites-vous bien que le jour du crime, j'avais lavé un grand dos, moi, Père Jacques. Et si l'assassin était passé par là, on l'aurait bien vu. À preuve, il a laissé la marque de ses connasses dans la chambre de mademoiselle. Père Jacques, je vais vous poser une question, il ne faut pas vous tromper. Dites-moi quand vous avez lavé ces dalles pour la dernière fois. Eh ben, je viens de vous le dire. Dites-moi, il n'est pas un peu sourd, votre ami. Ah non, pas le moins du monde. C'était dans la journée du crime. Oui, je sais, vous l'avez dit. Et j'ai très bien entendu, je vous demande l'heure précise. Ah, l'heure précise. Moi, je dirais sur le coup de 5h, 5h30. Ah. Mademoiselle Mathilde et le professeur ont dîné ce soir-là dans le laboratoire. Ils étaient allés faire un petit tour de promenade avant le dîner. Et j'en ai profité pour laver les carreaux. Et qui a observé les traces de pas après le crime? Le juge de Marquet, le lendemain matin. Le laboratoire et le vestibule étaient propres comme un sou tout neuf. Et pour ce qui est des traces par terre, c'est comme qui dirait de l'encre sur du papier blanc. Croyez-moi, s'il était passé par là, ce voyou, ce serait vu comme un nez au milieu de la figure. Toutefois, Père Jacques, vous ne pouvez nier qu'il y a des traces de pas dehors, sous la fenêtre et dans le chemin. Oui, ben j'en conviens. Mais vous niez l'évidence, alors. Mais non, je nie rien du tout. L'assassin était dans la chambre jaune, c'est bien ça? Oui. Eh ben alors il a fait un trou dans le toit. Oh. Eh ben il s'est laissé glisser le long des tuiles jusqu'à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber. Et si ça vous arrange, moi je vois bien. Seulement, il n'y a pas de trou dans le plafond de la chambre jaune. Et ni dans mon grenier. Alors il faut trouver autre chose. Alors, monsieur, ne perdez pas votre temps. Je peux résumer la situation. On ne sait rien, on ne comprend rien, et on n'en saura jamais davantage. C'est un mystère du diable. Le seul point sur lequel vous ayez raison, Père Jacques, c'est qu'il s'agit bien d'un mystère. Seulement, voilà. Il n'y a pas de mystère sans clé. Oh, alors là, je suis sûr que vous ne trouverez rien dans les toilettes. Une petite seconde tout de même, messieurs. Vous voyez quelque chose? Joseph! Soyez gentil! Passez-moi donc une allumette! Voilà. Merci. Eh bien? Ah! Rien de très important. Une goutte de sang. Vous avez trouvé une goutte de sang dans les toilettes. Mais oui. Dites-moi, Père Jacques, quand vous avez lavé ce laboratoire et le vestibule, est-ce que la fenêtre du vestibule était ouverte? Je venais de l'ouvrir. Ah oui? Ah, madame, j'avais allumé du charbon de bois pour le professeur. Oui, sur ce fourneau. Eh bien, c'est ça, oui. Comme je m'étais servi de vieux journaux, ça fumait, enfin, Dieu, voilà, c'était quelque chose. Oui, alors c'est bien que vous avez ouvert les fenêtres du vestibule et de ce laboratoire pour faire un courant d'air. Eh bien, c'est exactement ça. Uh-huh. Et après, j'ai fermé celle du laboratoire et laissé ouverte celle du vestibule. Je suis sorti pour aller chercher une serpillière au château. Je suis revenu. Eh bien, c'est comme j'ai dit. Oui, il devait être 5h, 5h30. Et je me suis mis à laver les dalles. Et vous n'avez pas refermé la fenêtre en partant? Non. Et quand vous êtes revenu? Ben, elle était fermée. Ah. Et le professeur et sa fille? Ils étaient déjà en train de travailler. Ici, dans le laboratoire? Oui, ici. Vous êtes resté tout le temps au pavillon? Oui. Le professeur et sa fille ont travaillé jusqu'à minuit. Et je me souviens qu'au moment où minuit sonnait, mademoiselle a souhaité une bonne nuit à son père et elle l'a embrassé. Est-ce qu'elle vous a parlé? Ben, elle m'a dit bonsoir, comme au professeur. Bon, et ensuite? Ben, elle est entrée dans la chambre jaune et on l'a entendue s'enfermer à clé. Et le professeur Stangerson? Oh, ben, il a pas seulement levé le nez de ses expériences. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le cri de la bête du bon Dieu. Je me suis demandé si elle allait nous laisser une seule fois dormir tranquille. Ouais, faut vous dire que jusqu'à la fin du mois d'octobre, j'habite dans le grenier, au-dessus de la chambre jaune. Mmh. Ouais, c'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon. Et l'hiver? Oh, ben, dame, elle retourne au château, vu que dans la chambre jaune, il n'y a point de cheminée. On peut pas chauffer. Ouais, allez-y, continuez, père Jacques. On a dû rester une bonne demi-heure. Oui, le professeur et moi, lui, a travaillé, moi, le regarder. On parlait pas, on bougeait pas. Et ben, si ça se trouve, l'assassin était peut-être persuadé qu'on était parti. Alors, le coucou a fait... Attendez, ouais, le coucou a fait entendre l'admi. Et puis, on a entendu les cris, mademoiselle. Oh, c'est affreux. Alors, je suis bien de votre avis, monsieur Darzac. Mais quel genre de cri a-t-elle poussé? Eh ben, il a crié deux fois. À l'assassin! Et puis, au secours! Et puis là, il y a eu, bon, alors, les coups de revolver, le bruit de la table et les meubles renversés, un bruit de lutte, quoi. Mais longue, la lutte? Ah, ben ça, je saurais vous dire. En tout cas, mademoiselle a crié une nouvelle fois. À l'assassin! Au secours! Papa! Papa! Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ben tiens, vous pensez si on a sauté sur la porte? À tour de rôle, on s'est jeté dessus, mais elle était fermée de l'intérieur, à clé et au verrou. Puis elle était sacrément solide, où la foutre tu portes. Le professeur était comme fou. On entendait mademoiselle qui râlait. Au secours, au secours. Et vous êtes resté longtemps devant la porte? Ah ben non, parce que je me suis dit que l'assassin s'était introduit par la fenêtre. Et je suis sorti tout courant. Mmh. Et le malheur, c'est que la fenêtre de la chambre jaune, elle donne sur la campagne. Et qu'il me fallait faire le tour en traversant le parc. Et alors? Eh ben... J'avais déjà fait une bonne moitié du chemin quand j'ai croisé le Bernier. Oui, le Bernier et sa femme, oui, les concierges, quoi. Hein. Eh ben, censément, ils avaient entendu les cris et les coups de feu. J'ai dit à Bernier d'aller rejoindre le professeur, et puis j'ai demandé à sa femme de m'accompagner pour ouvrir la grille. Père Jacques, je vais vous poser une question. C'est très important, hein. Faites bien attention. Vous avez mis combien de temps pour faire le tour? Oh, pas plus de 5 minutes. Et on s'est retrouvé devant la fenêtre de la chambre jaune. Et il y avait un sacré quart de lune. Ben, j'ai bien vu tout de suite qu'on n'avait pas touché à la fenêtre. Les barreaux étaient intacts et les volets fermés. Par le loquet de l'intérieur. Enfin, vous... Non, mais vous comprenez ça, vous? Mais d'emblée, non, mais enfin... Oui, alors ensuite? Ben, quoi ensuite? Faut pas être bien sorcier pour comprendre que l'assassin n'avait pas pu partir par là. Et comme la porte était fermée à clé, eh ben, on entendait toujours mademoiselle qui appelait « Au secours !» Et vous êtes sûr de ça? Hein? Elle appelait toujours. Ah non. Non, vous avez raison. Elle criait plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé qu'elle était peut-être morte. Ouais, par contre, j'entendais les coups dans la porte. On est revenu au pavillon, la concierge et moi. Oui? Oui, ben... Bernier, le professeur et moi, on a fini par avoir raison de la porte. Là, là, là, là, c'était pas joli, joliment, pauvre monsieur. Oh, cette pauvre demoiselle, étendue par terre, en chemise de nuit. Puis tout le désordre, elle était pleine de sang. Oh, ma pauvre Mathilde, mon Dieu. Ah là là, on voyait les marques terribles au cou. Et puis cette blessure à la tempe. Mmh. Le professeur s'est précipité en poussant un grand cri de désespoir. Bernier et moi, on cherchait l'assassin. Ah, je vous jure, monsieur Darzac, si on avait eu la chance de lui mettre la main dessus à ce misérable qui avait voulu tuer notre demoiselle, il aurait passé un foutu mauvais quart d'heure. Oui, oui, mais personne, mon bon monsieur, personne. Envolé, disparu, l'assassin. Rien sous le lit, rien par derrière les meubles. Ah, à question trace, ça, il a pas lésiné. Une grande main sur le mur, un mouchoir trempé de sang, un vieux béret sur le plancher. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. Mais je l'ai noté. Finissez votre histoire, père Jacques. Oh, vous savez, on est resté bêtes à se regarder sans savoir comment le misérable était parti. Imaginez la concierge sur le pas de la porte avec sa grosse lampe. Et nous, enfin, c'est-à-dire le professeur Bernier et moi, dans la chambre jaune, avec cette pauvre demoiselle évanouie qui perdait son sang. Puis pas moyen de trouver ce bandit. Oh, je disais rien, mais j'étais dans une rage. Je commençais à croire que c'était un coup du diable. Eh oui, il y a de quoi. Et c'est là qu'on a retrouvé mon revolver par terre. Alors, pouvait plus être question du diable. Ce vilain n'aurait pas eu besoin de mon arme pour tuer notre pauvre demoiselle Mathilde. Donc, l'assassin est passé chez vous pour vous le voler? Oh, madame, il est monté au grenier et il l'a embarqué. C'est Bernier qui nous a fait remarquer qu'on avait tiré 2 balles. Oui, 2 balles, c'est vrai. Eh ben, avouez que j'ai eu une sacrée chance, moi, dans un pareil malheur, d'avoir été aux côtés du professeur. Eh ben, dans le laboratoire, hein, quand c'est arrivé. Avec cette foutue histoire de revolver, je me serais retrouvé à rat de combat au pied de la machine à Debler. Oui, oh, je n'en veux pas, docteur Guillotin, mais comme dit la justice, vaut mieux se débarrasser de 5 personnes, quitte à tuer un innocent, plutôt que d'en mettre 4 malfaisants en liberté. Ouais, parce qu'on a beau dire, hein, c'est toujours les mêmes qui recommencent. Si on se croit, Père Jacques, que vous n'avez pas raconté tout ça à monsieur de Marquet. Ben, quoi donc, mon petit monsieur? Vos considérations un peu lapidaires sur la justice. Ah, oh, ben, pour sûr que non. Bon. Ça, c'est des choses qu'on doit garder pour soi. Ben, voyons. Oh, mais pauvre maître. C'est une bien triste histoire. Tiens, j'aurais bien donné mon bras gauche pour que ça n'arrive pas. Quel malheur, ça. Nous comprenons, Père Jacques. Nous savons à quel point vous aimez les Stangerson. Vous leur êtes tout dévoué, c'est normal. Et cela part d'excellents sentiments. Oh, ben, je pense bien que c'est normal. C'est comme qui dirait mes bienfaiteurs, mon frère. En tout cas, merci pour nous avoir aidés à tenter d'éclaircir ce mystère. Oui. Hein? Merci. Allez. Monsieur Darzac. Oui, je vous écoute. M'autorisez-vous à commencer sérieusement cette enquête? Ah, je vous en prie. Sinclair. Oui. Aidez-moi. Que dois-je faire? Nous allons d'abord passer en revue tout ce laboratoire. Je sais que la police, avec ses gros souliers à clous, a dû brouiller sans doute quelques pistes, mais il nous faut garder l'espoir de découvrir un ou plusieurs éléments qui auraient échappé au flair infaillible de monsieur de Marquet. Bon, eh ben alors, chacun à côté. J'allais vous en prier. Puis-je vous être utile? Oh, pas pour le moment, monsieur Darzac. Il faut des yeux neufs pour découvrir quelque chose de nouveau. Bon, Joseph, vous voulez un inventaire détaillé du contenu des vitrines? Ah, non, ça peut assez de mettre le nez sur quelque chose d'inhabituel. Bon, alors, microscope, éprouvette, fiole. Alors, un traité de physique chimie, de chimie, une table de classification de Mendeleïev. Vous avez dans cette vitrine tous les résumés des travaux du professeur concernant la dissociation de la matière. Ouais. Et votre ami, vous trouvez quelque chose? Tenez, monsieur Darzac, voulez-vous me conserver cela? Qu'avez-vous découvert? Ah, sans doute peu de choses. Parmi les papiers qui ont été brûlés dans la cheminée, celui-ci ne s'est pas consumé entièrement. Et je crois apporte un élément troublant qui se rapporte directement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tenez, lisez, je vous en prie. Le presbytère bien perdu de charme. Oh, Seigneur. Oh, non, non, non, non, non. Par où le tabi? Par où le tabi, où êtes-vous passé? Dans la cheminée. Ah, bon. Quoi? Dans la cheminée? Oui, exactement. Bon, voilà une idée. Ah. Ah, et voilà. Ah, eh bien, je m'assure qu'on ne pouvait pas passer par là. Alors, Père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par cette fenêtre? Je regarde l'homme de la police. Ah, celui-là aussi, c'est un drôle. Il n'arrête pas de faire le tour de l'étang. Hein? Encore un bon malin qui verra pas plus loin que les autres. Oh, ne croyez pas ça, Père Jacques. Si quelqu'un doit trouver l'assassin, ce sera Frédéric Larsan. Oh, oh, oh. Ah, vous me faites bien rire, tiens. Avant de retrouver votre assassin, faudrait peut-être mieux savoir comment qu'on l'a perdu. Vous avez tout à fait raison, Père Jacques. Mais chaque chose en son temps, hein. Alors, fini pour le laboratoire, Sinclair? Ben oui, en ce qui me concerne, j'ai terminé, j'ai rien trouvé. Bon, eh bien, il nous reste maintenant la chambre jaune. Alors, nous y retournons? Oui, nous allons pousser cette porte derrière laquelle il s'est passé tant de choses. Tant de choses que nous ne pouvons pas encore expliquer. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Aujourd'hui, 4e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rennes, Darzac, Michel Rulle, le père Jacques, André Weber. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 4 août 1983. Retrouvons Gabriel Royard qui, en 1957, retraçait la carrière de Gaston Leroux sur la chaîne nationale. On n'en finirait pas de rappeler tous les faits importants de cette carrière de coureur à l'information, témoin de tant de choses vues, doublé du romancier de Rouletabille chez le Tsar, de Un homme dans la nuit, du roi mystère, de la reine de Saba, du fantôme de l'opéra, de Chéri-Bibi et de tant d'autres restés fameux. Il trouva même le temps d'écrire pour le théâtre, comme je l'ai dit. Toutes ses œuvres, à la fois populaires et savantes, disait Ernest La Jeunesse, ont un relief, un sang, une âme qui se communiquent et qui saisissent. Gaston Leroux est chez tous un homme de la famille qui compte de belles histoires, qui a des relations étranges dont il nous fait part, qui a des amis très singuliers qu'il fait entrer dans notre intimité. C'est qu'en effet, il nous conduit partout où son métier de reporter l'a introduit, chez le Tsar, comme nous l'avons vu, ainsi que chez Krupp. Il a de plus le don exceptionnel, il le fait dire à l'un de ses héros, de se mettre dans la peau des autres. Il est encore passé maître dans l'art des transfigurations, voire des substitutions. À lui, les fausses barbes, les grimaces, les lunettes noires. À lui, tous les masques de la vie. Et avec cela, un bon sens qui rend tout à peu près vraisemblable. C'est encore ce qu'il définit, je le cite, le bon bout de la raison, ce bon bout que l'on reconnaît à ce que rien ne peut le faire craquer. Toujours conduit par ce bon bout de la raison, il monte, démonte, remonte avec la précision et le goût d'un ancien artisan français, il a dû en avoir dans ses ancêtres, les plus subtils, les plus délicats mécanismes. Il explique tout, il justifie tout, même ce qui paraît au premier abord inacceptable. Il entraîne, il convainc, bref, il conquiert les plus rétifs. Ces héros ont leur place dans la vivante lignée des Arsène Lupin et des Sherlock Holmes, après ceux d'Edgar Poe, incontestable maître du genre. L'écrivain et journaliste Gabriel Royard, le 16 avril 1957, sur la chaîne nationale, évoquait l'auteur, entre autres romans, du mystère de la chambre jaune. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, cinquième épisode.